Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr, la semaine dernière dans le cinquième round des Infinite Wars 2016. C'est le poney Twilight Sparkle qui a créé la surprise grosse blague. Et qui s'est qualifié pour la finale. Il a donc rejoint Gertrude, Chief, Deadpool et le 10e Docteur. Va-t-on enfin, avec ce round 6, avoir un personnage crédible en finale des Infinite Wars? Infinite Wars 2016, c'est maintenant. Vous avez l'habitude maintenant avec moi Arnaud. Salut. Qui défendra ce soir Black Widow. Avec moi également Clément. Salut. Qui sera chargé de peut-être porter à la finale Goliath et Pink Pearl. Je sais même pas qui c'est Pink Pearl. Et avec nous également Léo pour terminer. Léo. Pour faire gagner Killgrave. Léo a décidé de pas vous dire bonjour, mais lui veut faire gagner Killgrave et voilà. Girl. Bonjour, et j'aimerais ajouter une deuxième incarnation de David Tennant à cette finale, histoire de bien la rendre tennantiste. C'est le règne des animaux cette année, donc peut-être que ça sera aussi le règne de Tennant, ça serait intéressant. Mais... quant à moi, je me chargerai de tenter de défendre les couleurs de Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Et pour te répondre, Clément, parce que c'est moi qui ai choisi tes personnages, on le rappelle, cette année, c'est moi qui ai composé ton équipe. Pink Pearl, c'est comment dire? Une jeune femme très élégante à laquelle tu n'aurais jamais envie de d'avoir. Et puis Goliath. Et Spider-Man 2099, je peux avoir un léger briefing. Miguel O'Hara qui vient donc de l'année 2099, qui est le porteur du costume de l'araignée à cette époque, et qui maintenant se trouve coincé dans le présent. Irish a jeté l'éponge, on le sait également depuis trois rounds maintenant. Ces personnages Maggie Simpson et Phil Coulson ne battront donc pas le pavé ce soir. Maggie Simpson, putain. Imagine, elle aurait gagné. R.I.P. Phil. Alors déjà, pas d'animaux aujourd'hui, donc on sait qu'un animal ne triomphera pas. Je peux gagner peut-être. Encore que Pink Pearl. Ça serait drôle. Mais très bestial. Et bien justement, Clément, c'est toi qui vas commencer. Alors, pour les points, Goliath commence avec 12 points, Killgrave avec 15, Spider-Man 2099 avec 14, Black Widow 11, Pink Pearl 12 et Hit Girl 8. Et Clément, tu vas commencer à lancer ton dé avec Goliath. Pendant que tu lances ton dé, je rappelle que l'on choisit entre une attaque ou un soin et qu'en même temps qu'un lancer, on tire également un événement au hasard parmi 100 événements qui peuvent, vous l'avez compris maintenant, beaucoup changer les choses. Le lancer de dé, Clément, s'il te plaît. Ouais. Tu attaques ou tu défends ou tu te soignes? Et bah, pour commencer, je vais me soigner. Eh bien, tu gagnes donc 5 points. What? Quant à ton événement, alors l'événement, je vais demander pour cette émission, allez, au hasard, à Léo de nous les donner. C'est le 36. Ant-Man, change de taille et esquive l'attaque de ton choix. D'accord. Donc, quand on t'attaquera une fois dans le match, tu pourras esquiver. Clément, pense juste à l'utiliser puisque nous, on ne s'en rappellera pas, évidemment. Ouais. Killgrave pour Léo. J'aimerais remarquer qu'il y a quand même deux araignées dans ce, oui, dans ce truc. Donc bon, on n'est pas loin des animaux, même si c'est pas ça. Voilà, j'ai joué. Tu soignes ou tu attaques? J'attaque Pink Pearl. Et bah bien sûr. Pink Pearl perd donc 3 points. Et ton événement est le 2. Le 2. Les personnages Marvel perdent 2 points et fait chier. Alors, Goliath. Mais Goliath, il n'est pas Marvel. Ah, il me semble que si, vérifie. Spider-Man 2099, Black Widow et Pink Pearl. Attends, Goliath, c'est... Mais... pour moi, Goliath, il est lié à Hercules qui est chez Marvel. Hein. Goliath, c'est Civil War. Ah non, je me trompe. Bah, Goliath... Bah, je t'avais pas demandé c'est de le faire. Hein. Comment? Ah oui, d'accord, non, je t'avais pas demandé de mettre l'animal de compagnie de Robin. La Batco, mais peut-être qu'elle est dans un autre. Non, monde. Pas la Batco. Ah, le chien Goliath, tu voulais dire, mais c'est Titus le chien. Non, pas le chien, la. Ah, le dragon. Ah, c'était lui le Goliath que tu voulais. Bah oui. Ah, d'accord, donc c'est pas un personnage Marvel, effectivement. Ouais, bah oui, ah, mais pour moi, c'était Goliath, le petit combattant bien huilé. Non, pas du tout. Et viril. Goliath. Goliath, c'est un dragon qui a adopté, enfin c'est un espèce de dragon d'Apocalypse, ouais, ou un truc comme ça, qui a adopté Damian Wayne récemment. D'accord. Donc voilà, bon, on a eu confusion sur le Goliath, du coup tu ne perds pas tes 2 points. Ouais, t'en prends. Ouais, tout ça pour pas perdre 2 points. Ouais, mais c'est pas grave, il en perdra 17, c'est bien. Ouais, et c'est à moi, avec Spider-Man 2099, de lancer le dé et d'attaquer, bon je sais pas, on va attaquer It Girl, tiens. Mais laisse-moi It Girl tranquille. Je comprends. 5 points. Ah putain! Ça fait mal! Événement 17. 17, tu dis? Mm. Les héros gagnent 2 points. Donc Goliath. Donc Spider-Man 2099. Donc Black Widow. Donc It Girl. Girl. Non, It Girl, oui. Ah, quand même. Black Widow, à toi. Et tu as toujours tes 11 points. Mais elle va se soigner parce que c'est la plus faible. Enfin, ou qu'on veut. C'est un personnage crédible, c'est vrai que. La plus faible, en tout cas. Et ben ça valait le coup, 0. Donc c'est l'édition 2016 de la chance pour Arnaud. Hein. En même temps, t'as gagné 2015, il fallait bien que ça se paye. Événement 27, Léo, s'il te plaît. 27. Voilà. 2 points de moins. Oh, bah dis donc, Black Widow, c'est encore pas pour aujourd'hui, Arnaud. C'est l'édition de la mort pour Arnaud, le malheureux. Allez, Big Mama Pick Pearl entre en jeu, Clément. Je vais attaquer It Girl. D'accord. Laisse It Girl tranquille, espèce de sale. C'est son choix. Attention, suspense. 0. Non. Événement 66. 66. Nous avons Adam West danse le Batouzi et rajoute 3 points à l'action que tu viens de faire. Non, mais sans déconner, putain. Qui a donné une baguette de chance à Clément, putain de bordel de merde. Donc, il non, s'il rajoute 2 points à l'action. Donc, l'action, Girl, c'était l'empereur d'Opère. C'est 2 ou 3 3. 3, donc, il gagne, ouais. Perd 3 points, au lieu d'en perdre 0. Ouais. Voilà. Bien. Goliath, c'est à toi. Non, elle laisse It Girl jouer. Ah oui, It Girl, excuse-moi. Mais je t'en foutrais, va. Eh ben, It Girl, bon, bah, c'est pas comme si son sort était déjà scellé. Elle va soigner Killgrave. Ah, oh, quelle générosité. Et c'est une stratégie, voilà. Qui... Ça s'appelle le sacrifice. Qui paye 1 point. Yes. Yes. Événement 48. 48, un point de plus. Pouf. Allez. Et bim, It Girl passe donc à un score astronomique de 3 points. Et ouais. Goliath. Goliath qui a donc 19 points, qui est en tête pour le moment. Tu vas attaquer It Girl, bien, vas-y. Là, c'est la ruée sur It Girl, évidemment. 1. Yes. Non. Ah bah si, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Événement numéro 3. Numéro 3, le coup. Non, je refuse de dire cet événement. Non, c'est ça. Le prochain personnage passe son tour et c'était Killgrave. Clément, je te promets que je vais faire mais tout ce qui est possible pour détruire ton putain de Goliath. Parce que là, je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Qui t'a payé pour avoir une chance et pareille? Ce qui est bien, c'est que Spider-Man, du coup, a un boulevard pour atomiser It Girl et va tenter de le faire. Du je coup. Le ferai payer à Clément. Donc Spider-Man, non, qui a 14 points pour le moment et qui va infliger 3 points à It Girl. Ah. Eh ben, c'est bravo Clément. Décontent de toi Clément. Décontent de toi maintenant. La première victime de ce round 6. Oh putain, mais vas-y, mais fuck. Quant à Spider-Man 2099, il passe au niveau 2. Et l'événement ? Avec 28 points. Et l'événement, eh ben, le 28, tiens, ça tombe bien. Le 28, il se passe rien, super. Black Widow. Je vais te le faire payer, mais tellement cher. Bah, tu peux attaquer It Girl, donc. Attends, c'est pas Killgrave là ? Non, Killgrave, il a passé son tour. Non, tu m'as fait passer mon tour, espèce d'enfoiré. Black Widow, bah, Black Widow, il va attaquer Pick Pearl, je parie. Ouais, mais elle est faible quand même. Parce qu'en indé, elle peut mourir en indé là. Ouais, elle peut mourir avec mon dé de niveau 2, oui. Allez, elle va se soigner pour s'assurer quand même. Donc Black Widow avait 9 points, elle va se soigner de 2 points, écoute. C'est toujours ça. Passer à 11. Événement 55, Léo. Événement 55, nous arrivons à 1 point de moins. Pour Black Widow. Je suis désolé, mais c'est pas ton... Black Widow, 8 points. Pink Pearl, 7 points pour Clément. Je vais le soigner. Elle va se soigner. Bah voyons, Tarlouse. On se rappelle du dernier point, du dernier soin de Léo qui était de 0. Dernier soin de Black Widow qui était aussi de 0 avant son soin. Non, mon soin, il a été de 1 point, s'il te plaît. Et là, c'est 5 pour Pink Pearl. Mais non, mais c'est une blague. Non, mais merde. Non, mais événement 86, s'il vous plaît. Je suis sûr que Clément a passé... Tu peux pas faire 99, là. 86, Michael Bay, tout le monde perd 2 points. Mais Clément, mais tu peux mourir vraiment vite. Michael Bay, j'en ai marre, je me soigne d'un côté pour en perdre de l'autre. Donc Michael Bay, tout le monde vient de perdre 2 points, ce qui bah, forcément fait mal. Hein. Goliath est quand même toujours confortablement avec 17 points et c'est à lui de jouer Clément. Goliath, tout le monde l'emmerde. Je vais attaquer Black Widow. D'accord. Quelle raclure, aucune pitié. 1. Oh putain. Bah tiens, faut bien que tu saches. Événement 48. Oh, ça me dit quelque chose, on l'a fait aujourd'hui déjà celui-là. Événement 48, un point de plus. Pour Goliath qui passe à 18, alors que Black Widow, suite à l'attaque, est devenu, revenu à 7 points. Killgrave, Léo, c'est à toi. J'hésite un peu, j'hésite. Avec la chance de Clément, de toute façon, je vais soigner Killgrave. D'accord. Eh ben, 0. Événement 23. Je vous hais tous. 2 points de plus. Voilà. Il y a bien que les événements pour rapporter des points. Spider-Man 2099, bah, stratégiquement, ne va pas s'en prendre à Black Widow. Il va tenter de diviser l'équipe de Clément en attaquant Pink Pearl. C'est bien. Question, est-ce que les scripts, je peux l'utiliser sur Pink Pearl ou pas? Goliath. C'est Goliath qui l'a gagné. Ouais. Pas d'accord. Connais, okay. Pink Pearl, c'est Pink Pearl, ça va être une victime. Elle va se prendre le fichier et puis c'est tout. 4 points pour Pink Pearl de moins. Et elle passe donc à 6 points. Événement 35, Léo. Événement 35, il ne se passe rien. D'accord. Allez, Arnaud, Black Widow. Stratégiquement, il y a deux choses possibles. Le soin ou le coup de poker espéré faire un 6 et tuer Pink Pearl. Ouais, non, mais avec ma chance, vaut une mieux... Une chance sur 7. Vaut mieux me soigner. Je vais faire 0 encore. Mais non, 5. Bon, de toute façon, j'aurais pas tué Pink Pearl. Événement 21. Événement 21, un point de plus. La chance d'Arnaud. Ah voilà, 13 points du coup pour Black Widow. Qui respire un peu. Ça commence à monter. Donc, voilà, on s'en rappellera. Pink Pearl, Clément, c'est à toi. Putain, non, man, bravo Mathieu. Je vais me soigner. Allez, Pink Pearl se soigne. C'est ce qu'elle peut faire. 0, 0, 0. En 2, mais c'est bien déjà. Événement 16. 16, King of Gotham, forcez le prochain personnage à attaquer qui vous voulez. Donc c'est Pink Pearl qui fait ça. Hein. Donc Pink Pearl, tu vas forcer Goliath, oh là là, dis donc, à attaquer qui tu veux. Je vais forcer à attaquer... Sachant que c'est son prochain tour, hein, donc c'est à Goliath de jouer, donc Goliath attaque. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas drôle. Bah non. Qui je vais attaquer? Je vais attaquer Killgrave. Mais d'accord. Non. Et tu vas l'attaquer avec une puissance dévastatrice de 4. Oh le chien! Grave passe donc à 10 points. Événement 23. 23, 2 points de plus. Ah bah dis donc. Non mais je rêve, vraiment je rêve. C'est le Grave. C'est à moi de jouer. Donc 10 points, on le rappelle. Ah, non mais c'est moche putain. Vas-y, je vais me soigner encore. Je préfère préserver la vie de David. C'est un round de petits bras là quand même. Tout le monde se soigne, il n'y a pas un qui attaque. 3 points. Ah bah quand même. Non, mais donc Grave passe à 13 et c'est à Spider-Man 2099 de jouer. Il y a un événement avant. Ah oui, événement 93. Vu le chiffre, je suis pas sûr, t'aurais dû le demander. Excelsior, Marvel intouchable pour les 3 prochains joueurs. Marvel intouchable par les trois prochains joueurs. D'accord. Donc on ne peut pas attaquer ni Killgrave, ni Spider-Man, ni Black Widow, ni Pink Pearl. Mais qui est-ce qui reste? Mais il reste Goliath. Donc, contraint et forcé, j'attaque Goliath avec Spider-Man 2099. Je vais utiliser l'esquive. D'accord. Bah, c'était bien parce que c'est une esquive de 1. Donc, voilà. Bravo, Clément. Tu ne perdras pas un point. Bravo. Événement 54. Événement 54, il ne se passe rien. D'accord. Black Widow, à toi, si tu veux attaquer, c'est forcément Goliath. Non, elle va se soigner. Arnaud la joue prudent, là, il voit la... Avec ma chance en ce moment. 5. Ah bah c'est... Black Widow passe à 18, événement 68. On est passé à un doigt. 68, boucle temporelle, le même joueur joue encore. Eh bien, vas-y. Allez, fais-toi plaisir, là. Arnaud. C'est bon. Oui, mais tu fais quoi? Ah, mais je suis toujours obligé d'attaquer Goliath. Si tu attaques, c'est toujours Goliath, oui. Bah, je me soigne. Bah, Goliath, il a Clément, pourquoi tu attaques pas? Bref, tu te soignes de 1. Il file pas mort, en fait. Événement 2. Les personnages Marvel perdent 2 points. Putain, Arnaud, sérieux. Je pensais que je pouvais compter sur toi. Bah. Et moi aussi, je perds. Tous les personnages Marvel ont perdu 2 points. C'est à Pink Pearl de jouer. Elle se retrouve avec 6 points. Et si elle attaque, elle attaquera forcément Goliath. Bah, je vais me soigner. Oui. Bien sûr, c'est tout ce qu'elle sait faire. et elle se soigne de 1. Beaucoup de 1 en ce moment, hein. Beaucoup, beaucoup de 1. Goliath, l'événement. Cette fois, l'événement. Événement 41, excusez-moi. Vous faites bien de me l'événement le demander. 41, il ne se passe rien. Bah, ça valait le coup de me faire chier. Allez, Goliath, c'est parti, Clément. Goliath, il va attaquer Killgrave. Mais laisse mon Killgrave tranquille. 6, ah là là, belle oh, attaque. Je te déteste. Je te déteste, mais avec une force. Alors, c'est le chiffre de l'événement ne me dit rien qui vaille. Fais-moi peur. Je vous le dis, puisque c'est 52. 52. Ah, putain. New 52, interdiction d'attaquer d'ici pour les 3 prochains joueurs. Donc Goliath, en fait. Oh, putain. Personne ne peut attaquer cette sale pute de Goliath. Génial. Bon, c'est pas très grave. Non, je m'attendais à un truc espèce de reboot, parce que 52, voilà. Ouais. Mais... Ok. Killgrave, à toi de jouer, il ne te reste que 5 points. Ouais, bah, je le vois bien, pauvre David. Ah, je vais me soigner, là. Oh là là, les petits joueurs. 0, bah, c'est bien fait, tiens. Oh, événement 55. Événement 55. Un point. Oh, putain, un point de moins, vas-y. Arrête de te marrer, toi, dans le fond, va. Pas moins 4, moins 1. Spider-Man. Ouais, mais points, putain. Spider-Man 2099 est bien embêté. C'est soit il tue Killgrave, soit il tente de tuer Pink Pearl. Laisse mon Killgrave tranquille. Pink Pearl. J'ai envie quand même que Clément ferme un petit peu sa gueule, donc je vais tenter un truc sur Pink Pearl. 7. Oh la vache. Ah, ça passe, Pink Pearl est donc la deuxième victime de cette émission. Hop, Pink Pearl, bye bye. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, niveau 3, par contre, pour Spider-Man 2099, 42 points. Il va lancer des dés de niveau 3, donc des dés qui vont jusqu'à 15, on le rappelle. Alors que c'est à Black Widow de jouer avec 17 points. Ah, événement, excusez-moi, 87. Si c'est un 9 Slade. 87. 87, 9 Slade. 9 Slade, eh ben, je te fiste via Internet. Black Widow, à toi de jouer avec donc 17 points, et un Killgrave à 4 points quand même. Ouais, désolé Léo, mais là, faut que je tente. Alors, on sait que Arnaud a beaucoup de chance, il est donc capable de nous faire entre 0 et 3. Ça fait deux fois que je fais 5. Je vais pas l'avouer. Eh bien, ça fera pas 3 fois, puisque tu as fait 6. Oh, non. Killgrave. Désolé, Killgrave. Désolé, David. Éliminé. Il n'y aura pas de David Tennant dans cette situation. Attends. Il y a déjà Ten. On sait que ce genre de round peut nous réserver bien des surprises. Ouais, Black Widow. Alors, on a quand même un événement. On a un personnage d'Arnaud qui passe au niveau 2. C'est quand même la première fois, je crois, depuis le début. Et sinon, l'événement en soi. 22 points. Et l'événement, laisse savourer un peu sa victoire à Arnaud, là. Événement 34. Je crois que c'est un 34. Fear the Walking Dead. Les morts lancent un dé pour attaquer le personnage qui les a tués. Alors. Pink Pearl Clément va donc lancer un dé pour attaquer Spider-Man 2099. 1. Wow. Léo va lancer un dé pour Spider-Man 2099 au nom de Hit Girl. 5. Et Léo va relancer un dé pour Black Widow au nom de Killgrave cette fois. Voilà, la vengeance de David. 4. Ah non, c'est pas lancé. Voilà. Et je m'étais en plus trompé. Et alors, tu viens de faire 4, effectivement, et l'événement que tu avais fait était l'événement 100. Non. S'il y avait eu un événement à faire, c'était 100. Oh putain, le dernier mort, putain, je serais revenu avec Killgrave. Ah là là, c'est David qui veut pas mourir. On se retrouve donc avec 3 personnages maintenant. Goliath de niveau 1 avec 20 points, Spider-Man 2099 niveau 3, 36 points, et Arnaud avec Black Widow niveau 2, 18 points. Et c'est à Goliath de jouer. Fister cette merde de Goliath. Je vais attaquer Black Widow. D'accord. 1. Tiens. La honte Black Widow au niveau 2, elle a moins de points que Goliath au niveau 1. Ouais, c'est ça. Événement 89, Léo. Maintenant que t'as plus rien d'autre à faire. 89, je t'emmerde. Le prochain personnage passe son tour. Eh ben, c'est Spider-Man 2099, voilà. Donc c'est directement à Black Widow de jouer. Ça t'aura bien. Elle va essayer de défoncer la gueule de Goliath. Eh ben oui, ça me semble une belle chose avec un dé de niveau 2. De venger. 7. Tiens. Aïe. Est-ce qu'on tiendrait pas là une des premières, d'un des premiers gros coups d'Arnaud? Le dé événement nous demande le 25. 25, Civil War. Pendant un tour complet, les héros n'attaquent que les héros et les vilains, les vilains. Bon, ben, on a que des héros, donc ça ne compte pas. Goliath, à toi, niveau 1, 13 points. Je vais attaquer Black Widow. D'accord. Le panache de Goliath, qui ne se soigne pas et qui fait une attaque puissante à 5. Ouh. Black Widow passe donc à 12 points. Sachez que Spider-Man 2099 qui va jouer maintenant avec un dé de niveau 3 peut tuer en un coup n'importe lequel des personnages. Événement 27. Événement 27, 2 points de moins. Espèce de pute. Mais c'est, bon, c'est pour Goliath les 2 points de moins. Ah. Mais c'est une pute quand même, hein, tu peux, vas-y. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Alors du coup, Spider-Man voulait attaquer Black Widow, mais comme Goliath est plus faible, c'est Goliath qui va prendre. Ça peut faire très mal, ça. Oui. Ouais, moins 6. Ouh. C'est moyen pour un dé qui peut aller jusqu'à... jusqu'à 15, c'est moyen. Événement 78. Événement 78. Baby Groot. Tous les personnages récupèrent un point au début de leur prochain tour. Et bah donc, c'est Black Widow qui va commencer à récupérer un point et qui passe donc à 13 pour son niveau 2. Et qui va attaquer... Qui va attaquer Goliath. Goliath. Je m'en doute, avec une chance sur deux de l'éliminer. Ce qui est fait, puisque tu fais 7 points. Chef. Bien, alors, attends ça, Clément. C'est pour la dernière fois quand on s'est battu pendant un quart d'heure. Attends l'événement. Oh, c'est un gros événement, un gros chiffre qui commence par un 9. 96. Oh 96, les personnages indépendants gagnent 2 points. Ah bah ça valait le coup. Est-ce que c'est pas la première fois, Arnaud, d'une, que t'as un personnage de niveau 3 ? Si, c'est la première fois. Et deux, qu'il a une chance de gagner. Fois. Et deux, que tu te retrouves dans le, dans le, dans le duel final ? Ah non, j'ai déjà été en duel final contre Clément. Ah oui, c'est vrai. Qui a duré pendant une éternité. Ça avait duré une heure. Et il me semble que tu l'as été contre moi, contre le docteur. Donc là, on se dirige vers un duel final hyper serré, puisque les deux personnages, mon Spider-Man 2099 et ton Black Widow, sont de niveau 3 tous les deux. 36 pour Spider-Man 2099, 33 pour Black Widow. Donc c'est très serré. Le seul problème, c'est que le gagnant aura un niveau 4 en finale, ce qui sera le plus faible. Putain. C'est la malédiction de Clément, ça. Arnaud, c'est à toi de jouer. Non, c'est à Spider-Man. Non, oui, c'est à Spider-Man, parce que Black Widow vient de tuer Goliath. Ça serait bien un petit rebond. Bon, mais forcément une attaque. Hein. Ah, tais-toi. Hein. Forcément, Spider-Man attaque, voilà, il attaque 6. Spider-Man est abonné au 6. Donc, 27 points maintenant pour Black Widow. Événement 64, Léo, s'il te plaît. Événement 64, 9 cèdes. Ne se passe rien. Black Widow, à toi. Elle va riposter. Ça va se rendre coup pour coup. Moins 5. On est donc à 31-27. Événement 25. Événement 25, Civil War pour bon d'accord, rien. Spider-Man, bah allez, coup pour coup, Spider-Man attaque, ça n'aura jamais. Oh, 14. Celle-là, elle fait mal au cul. Ouais, là, celle-là, elle fait mal au cul. Moins 14, donc Black Widow se retrouve avec 13 points de vie. Événement 15. Événement 15, Iron Fist. Fist, un personnage, et arrache-lui un point. Bon, bah... Eh ben écoute, ça fait effectivement mal au cul. Moins 1 et plus 1. Donc 32-12, et c'est à Black Widow de jouer. Bah, elle va essayer de se soigner, la pauvre. Bah rien, la pauvre. Pauvre bichette. Et bah 13, ça annule presque ce que tu viens de subir. Pas mal. 25-32, Spider-Man va continuer son opération. Événement 56. Événement 56, facteur auto-guérisseur. Lance un dé de 6 pour te soigner. Ah, donc, ça va. Ah, bah, une aubaine, là. Vas-y. Et bah écoute, 1, mais c'est toujours mieux que rien. 26-32, Spider-Man va donc continuer son opération de destruction, comme je le disais tout à l'heure. 10 à la Spider-Man, la vitesse supérieure, moins 16 points pour Black Widow, d'événement 67. Événement 67, Sidekick, choisis un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Black Widow qui va me soigner avec un dé de niveau 3. Ça sent la finale. Je suis obligé là du coup. Bah oui. Un chiffre. Ah oui, c'est un petit chiffre, 8. Oh, il fait mal. Je vais pas attaquer avec en plus. Événement 81. Événement 81, je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose, Arnaud, hein, pour être honnête. 2 points de plus. Donc 2 points de plus pour Black Widow quand même, qui passe donc à 18. Et bien Spider-Man va tenter de donner un des coups de grâce. Et ouais, 10 encore. Oh, pauvre Arnaud. Il gagnera jamais, bordel. Arnaud, il a eu de l'espoir pendant un temps. Puis, attends, c'est pas fini. Événement 44, d'ailleurs, ça peut peut-être changer, Letter 44, je crois. Événement 44, Letter 44, le président Blades vous accorde un deuxième lancé pour la miracle. J'en ai marre. Je le paie à ton âme, Arnaud, franchement. 3. 3, putain, t'as de la chance. Hein, mais que 5 points pour Black Widow. Spider-Man 2099 et va peut-être se faire attaquer ou pas ? Non, elle va se soigner. Oui. Enfin, bon, il va faire 1, tu vas voir. Ouais. Bon, non, 6. Ouais, bon. C'est pour me sauver. 6, ça fait 11. Voilà, faut que je fasse 11, 12, 13, 14 ou 15 pour te tuer. Événement 36. 36, Ant-Man, change de taille et esquive l'attaque de ton choix. Ah, est-ce que tu esquives celle-ci alors ? Bah, vas-y, je te dirai. Ah bah non, je peux non, tu le dis avant. Ah. Oui, bah j'esquive, forcément. 4. Événement 57. Événement 57. Assemble, les vilains perdent 3 points. Il n'y en a pas, on s'en fout. Avancez. Bakuido. Elle se soigne. Ok. 5. Donc Bakuido passe à 16. Événement 45. 45. Sex Criminals arrête le temps pour faire une attaque sur un autre perso. Écoute, vas-y, c'est cadeau. Une attaque cadeau. Donc j'ai le droit. Ah non. Non, ça suffit quand même. Et attaque. On lui donne une attaque et en plus il vous en voudrait deux. 9. Ah, pas mal, pas mal cette petite attaque. 31-16 pour Spider-Man. Qui va attaquer, évidemment. 1. Oui. Événement 20. C'est pas trop ça. Événement 20. Au bas, il a mis moins 3. C'est pour pas occuper la dernière case, t'inquiète. Il se passe rien au 20. C'était à moins 2 et je l'ai passé à moins 3. À toi de jouer, Arnaud. Bah, va se soigner parce que j'aimerais bien garder une petite zone de confort. Et 15, je peux mourir d'un seul coup. Écoute, 2, ça peut peut-être te permettre effectivement de survivre un petit peu avec l'événement 89 aussi. 89, le prochain personnage passe son tour. Et bien, Black Widow, à toi de jouer. Et du coup, là, elle va attaquer. Normal. Black Widow fait des petits soins, mais des grosses attaques. Ouais. 15. Ouh. Ouch, ça fait mal. Ouais, 15 à 16 à 17, du coup. 16 à 17. Celle-là, elle peut avoir son importance. C'est à Spider-Man de jouer, mais Spider-Man a du panache et ne va pas se soigner. Attention. Courageux. C'est stratégique, surtout. Je veux pas perdre un tour pour rien. 8, eh ben écoute, ça va peut-être être payant. Événement. Événement 85. Oh, ça va être un bon événement, 85, ça. Back to the Future. Ton action est annulée, recommence ton tour. Donc, je réattaque. Il a été en moins 15. 9. Ouais, bah ça va pareil. Donc, Black Widow passe à 8. Spider-Man 2099, 16. Il y a l'event ou pas? Non. Bah non, c'était un event déjà. Ah oui. To the Future. Je me soigne. Oui, 4. On avait dit petit soin pour Black Widow. Ouais, mais bon. Événement qui passe à 12. Événement. Ouh, c'est qu'un événement dans les 90. 90, justement. 90, 9 cèdes. Ah. Et écoute, toujours la même stratégie pour Spider-Man. Le panache, le panache, le panache. Comme dit Cyrano. 10. Mais putain, non. Et on a une Black Widow qui se retrouve à 2 points. Et attention, l'événement qui arrive peut peut-être lui enlever. 29. 29, 2 points de plus. Donc pour Spider-Man 2099 qui passe à 10. Dommage pour Arnaud, il était pas loin, mais bon. Arnaud. Bah là, en un coup, je peux plus te tuer. Donc, je vais me soigner, même si ça changera rien. Eh ouais, petit soin comme d'habitude, 0. Oh, la haine. Voilà. Événement 42, on sait jamais. Événement 42, rétro-continuité, les trois derniers coups sont annulés. Ah, d'accord. Ah. Donc on annule. 1, 2, 3. On revient donc à un statu quo, 12 à 16. Et mais toujours une attaque, toujours l'attaque pour Spider-Man. Toujours, toujours, toujours. Et une attaque de 4. Donc Black Widow, 8 points. Événement 83. 83, rétro-continuité. Putain, vous êtes sérieux? Les trois derniers coups sont annulés. 1, 2, 3. Et Black Widow passe en tête avec 17, du coup. Des événements sauvent Arnaud. Et même avec 8 points, j'avais prévu d'attaquer, du coup je continue. T'attaques? Il y a une justice, 0. Événement 79. C'est tellement moche. 9-7, il ne se passe rien. D'accord. Je t'ai pas attaqué avec mes 8 points d'avant que je voulais faire. Un coup pour rien. Et donc, c'est parti pour une attaque sur Black Widow, comme toujours. Ouh, moins 12. Oh. Ah, putain. Black Widow 5, événement 37. C'est pas fini. Ça sert à rien. Les personnages indés perdent 2 points. Allez, ça sert à rien. Black Widow, à toi. Elle se soigne. 3. La haine. Attaque de Spider-Man. Événement. Ah oui, excusez-moi, événement. Du coup, attends, j'annule pour retrouver le bon lancer de dés. 28. 28, il ne se passe rien. Putain de chien. Donc ça valait le coup de me faire annuler. Attaque donc de Spider-Man. L'attaque précédente que vous m'avez fait du coup annuler, c'était 1. Ouais, bah, on va voir. Et là. Et. Ouf, putain. T'as eu chaud au cul. 7. Il reste un point à Black Widow. Événement 77. C'est un chiffre double, j'aime pas trop. 77. Iron Fist. Fist un personnage et arrache lui un point. C'est sur un Fist que Black Widow va perdre. Le finish de Fist. Je sais qu'on en a rêvé de c'est Fist terrible. Et Johansson. C'est terrible. Bon. Seul Clément rêvait de gagner un round sur un Fist et finalement c'est moi qui le fais. Avec Spider-Man 2099 qui est donc le champion de ce soir. Il passera donc malheureusement avec un niveau que de 4. ce qui est quand même pas super super en finale, niveau 4 et donc 56 points. C'était presque Arnaud, c'était presque. Peut-être la prochaine. Il te reste deux rounds pour qualifier un personnage. Le round prochain est donc le round numéro 7, pendant que je termine de qualifier donc Spider-Man pour la finale. C'est fait. Donc pour la finale pour un moment, Spider-Man 2099, Twilight Sparkle, Gertrude, Chip, Deadpool et le dixième Docteur. Pour info, c'est Twilight Sparkle qui aura le dé le plus puissant, parce qu'elle est de niveau 7, mais c'est Deadpool qui a le plus de points avec 96. Round 7, oh, prochain round. Qui va-t-on voir s'affronter? Arnaud Venom et Willow Rosenberg, deux personnages assez costauds. J'aurai pour ma part Miss Marvel et Wally West, deux gros personnages aussi. Clément aura l'homme de cuir, le Laser Boy. Et l'écureuillette, Squirrel Girl, donc deux gros personnages aussi. Voilà. Et Léo aura, quant à lui, Nightwing. Ça promet une belle confrontation. Le round 7, Nightwing, c'est la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Salut. Salut.